Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo dans cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges et bonsoir l'Alsace qui nous écoute aussi, contente de savoir que vous êtes branchés via internet parce que oui, on peut nous écouter sur le 107 ou via internet pour ceux qui veulent et qui sont pas dans le secteur. Comme je l'avais annoncé hier soir dans mon émission et sur la page Facebook un petit peu plus tôt dans la journée, on va parler de musique ce soir et pas n'importe quoi, on va parler un petit peu d'électronica. Et forcément, si on parle de musique, il y a Mika qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mika. Bonsoir Lou. Et salut à tous. Et forcément, qui dit musique dit forcément artiste. On a un duo qui a sorti un EP le 7 décembre de cette année, un EP nommé Palma Pop que j'ai déjà passé dans quelques de mes émissions. Et on a Brieux à l'antenne ce soir. Bonsoir Brieux. Bonsoir Lou. Alors Brieux, tu fais partie d'un duo qui s'appelle Le Duel. Vous avez sorti, en tout cas, votre EP qui s'intitule Palma Pop assez récemment, un EP qui regroupe... Alors, sur le CD, c'est 7 titres, mais on va dire 6 parce qu'il y a une édite pour la radio. Voilà, on va retracer, comme d'habitude, dans l'heure des loups, ton parcours. Commencer par toi, par le groupe, par l'EP, par son univers, enfin voilà. Alors, on va commencer, Brieux. Toi, il en est quoi de ton parcours musical ? Alors moi, mon parcours musical, en fait, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap, et en fait, je me suis mis à la guitare un petit peu sur le tard, quand j'ai découvert les auteurs classiques anglo-saxons comme Bob Dylan et Johnny Cash. Enfin, ça a vraiment été un très gros coup de cœur, et j'ai commencé à composer quand j'ai rencontré Julien, donc avec qui j'ai formé le groupe. On s'est découvert des influences communes et on s'est mis à écrire à ce moment-là. Donc moi, avant seul, je n'ai pas fait grand-chose. Mais c'est quand on s'est rencontrés, quand on a commencé le groupe, que je me suis mis à composer. Et c'était il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et on n'a jamais arrêté, en fait, tout simplement. D'ailleurs, le groupe, il y a plein de choses différentes marquées, mais du moins sur le dossier de presse, c'est marqué que le groupe s'est fondé en 2006, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Enfin, le groupe ou le duo. Mais dans ce cas, oui, pourquoi ce duo s'appelle-t-il Duel ? Bah, parce qu'on voulait un nom qui représente, simple, qui représente bien le groupe. En fait, c'est assez dur de trouver un nom. C'est comme un nom d'album, souvent on a les chansons et tout ça, on joue de la musique tous les jours, mais quand il faut se résumer en un nom, il y a soit un truc évident que nous on n'a jamais eu, qu'on n'a pas vraiment eu. On a d'ailleurs eu plein de noms avant, comme tous les groupes, je pense. Et quand il s'est vraiment agi de trouver le bon nom qui nous représentait, on voulait un truc simple, qui représente le truc fort de notre histoire, c'est-à-dire qu'on est vraiment deux chanteurs, deux auteurs-compositeurs, qu'on écrit tous les deux des chansons et qu'on chante la moitié des titres de chaque album. Et donc le mot et on aimait beaucoup le mot duel, en fait on trouve très beau ce que ça représente, il y a un truc très romantique et on trouvait que ça nous représentait en même temps, donc quand on est tombé là-dessus on s'est dit ouais, c'est bon, c'est ça. Est-ce que déjà depuis tout jeune, enfin non, on va y revenir après à cette question là en fait, mais comme là tu es artiste professionnel, je pense, musicien professionnel si je me trompe pas. Ouais. Quel a été ton déclic pour te lancer dans le monde de la musique ? Bah, en fait, professionnel, c'est tout simplement quand on commence à pouvoir en vivre. Hein. Donc, Donc ça s'est venu après, mais avant il y a eu beaucoup d'années pendant lesquelles, enfin même avant d'être signé sur un label ou de faire des concerts pour lesquels on était payé, moi j'avais déjà décidé que je voulais vraiment faire de la musique tous les jours, quoi. Ce qui est finalement quand, le vrai déclic. Et le déclic que j'ai eu, et je pense que pour Julien c'est pareil, c'est quand on a commencé, en fait, il y avait MySpace sur Internet, donc ça commençait assez longtemps. On mettait nos chansons et puis il y a des gens écoutaient, aimaient, nous envoyaient des messages. Et je pense que il y a une espèce de d'émulation qui se fait quand tu sais que ça plaît à d'autres et ça encourage, quoi. Donc moi c'est vraiment quand on a fait nos premières chansons qu'on les a mises sur Internet et qu'on a vu que ça plaisait, que des gens commençaient à nous proposer de faire des concerts dans leur ville. Bon, il y a un truc qui est très ça provoque une vraie émulation et après ça fait qu'augmenter et ça encourage, quoi. Tu disais que votre duo à Julien et toi est né en 2006. Pour autant, le premier album est paru en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors en fait, le duo, c'est quand on s'est rencontrés, en fait, avec Julien. Moi, je viens de Roubaix, dans le Nord. Julien, il vient de La Flèche, dans l'Ouest. Et on s'est rencontrés à Paris, en 2006, en arrivant. Et quand on s'est rencontrés, on a commencé à faire des maquettes... des maquettes à deux, comme ça, nos premières chansons. On s'est fait signer sur notre label Roy Music 3 ans plus tard, donc en 2009. Et voilà, avec le label, on a réenregistré tout ça. On a sorti d'abord des EP en 2012 et 2013. On a sorti 3 EP qui s'appelaient Vertige, Vertige 1, Vertige 2, Vertige 3. Et 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, en 2015, on a sorti notre premier album. Donc finalement, le premier album officiel, professionnel, on va dire, sort assez longtemps après la rencontre, mais on dit qu'on met 10 ans avant de pouvoir vraiment avoir une maturation artistique. Je pense qu'on a eu un parcours finalement assez classique. Hein. Votre duo, qui s'appelle Duel, donne le vertige, puisque tu le disais, déjà les 3 premiers EP se sont appelés comme ça, et puis sur le premier album qui s'intitule Gun Express, il y avait un titre Vertigo. Ouais, exactement, le premier titre de l'album. Et à propos de Gun Express, moi ça m'a interpellé déjà, pourquoi Gun, vous l'avez écrit avec 3 N ? Alors, Gun Express, c'était... en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de chansons qui évoquaient des villes. Donc, au moment de trouver le titre de l'album, on s'est dit qu'on allait inventer le nom d'un train fictif. Et c'est pour ça qu'il y a Express. Et le Gun, c'est une référence à Elston Gunn, qui est le pseudo de Bob Dylan. Donc pour nous, c'était une sorte de train fictif qui retournait à nos sources musicales. Et ça, quand on s'est rencontrés, notre passion commune, c'était Bob Dylan. Et donc Elston Gunn, c'était le pseudonyme de Bob Dylan. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé avant d'enregistrer cet album ? Parce que c'est vrai que ça ressort, ce que tu dis là. Moi, j'ai eu l'impression, en l'écoutant, de voyager un peu partout en Europe et au-delà. On a pas mal voyagé. Ouais. Après, paradoxalement, je pense que les villes dont on parle dans nos chansons sont plus souvent des villes dans lesquelles on n'est jamais allé, mais plus des villes rêvées ou fantasmées. Mais c'est vrai qu'on on a voyagé aussi d'une part à deux avec le groupe. On a vécu à New York où on a fait nos premiers concerts en 2007. Mais sinon, oui, on est autant intéressé par le vrai voyage que le voyage imaginaire, et je pense que ça se retrouve dans nos chansons. Ça se retrouve en effet, et dans le dernier EP, Palma Pop, oui, je l'ai bien lu, Palma Pop, il s'agit d'America, comme tu as dit, vous avez passé du temps aux États-Unis. Tu sais quoi, on va s'écouter America, si tu le veux bien, et on se retrouve juste après. Ok. Dans le creux de ton baril, reste calme et fredonne-nous my way, my way. Si je pars, si tu restes, combien je te donne, combien tu me laisses, combien tu me laisses. America, don't you forget, you're my last way home. It's in my blood. Dans tes bas, faut bien qu'on s'abrite. De la Havane, je t'ai tenu quitte. Je t'ai tenu quitte. Passe ta robe sur ta blouse. T'as tout l'espoir sur ta peau rouge. Sur ta peau rouge. Et c'était America de l'EP Palma Pop du duo Duel. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo 107 FM et vous pouvez discuter avec nous via notre page Facebook Radio Guémozo, pas par téléphone cette fois vu que la ligne est occupée par Brieux qui est avec nous ce soir. Toujours avec nous j'imagine. Ouais. Voilà. Fantastique! Et oui, on est toujours là pour mettre en avant ton travail avec ton camarade Julien. Et voilà, votre parcours et tout ce qui va avec. Et bien entendu, votre nouvelle EP qui est sortie le 7 décembre de cette année. C'est tout frais. On a retracé, oui, on a parlé un petit peu de cette notion de voyage. Et voilà, la question que je voulais poser tout à l'heure et que je pose maintenant, c'est depuis le début, quand vous êtes rencontré avec Julien, vous avez voulu faire dans cet esprit un petit peu pop, électronica, chanson française aussi à texte. Bah, en fait, c'est fait un peu progressivement. Au début, c'était plus rock, plus folk. Quand on a commencé à enregistrer nos premières chansons, on voulait pouvoir les jouer de façon similaire sur scène. Et c'est vrai que pour pouvoir beaucoup jouer sur scène et tourner, au début, c'est plus simple de pouvoir jouer les chansons guitare-voix. Donc on faisait beaucoup d'enregistrements guitare-voix, harmonica, donc des trucs très folk, rock. Et ensuite, on s'est de plus en plus inspiré de tous les arrangements qu'on peut entendre dans l'électro ou dans le hip-hop, ou en fait dans tous les styles de musique, dans le rock indé. Et au fil des années, évidemment, les arrangements pour les chansons ont évolué. Et ensuite, pour les textes, c'est vrai que on adore le français, on adore la belle chanson française, mais aussi voilà, la littérature, la poésie, on est très inspiré par ça. Et donc, je dirais qu'en termes d'arrangement, ça a beaucoup, ça évolue tout le temps. Après, pour les textes, on est, ça fait longtemps qu'on écrit en français comme ça, avec ce souci du mot juste et une envie vraiment d'avoir le texte aussi soigné que la musique. Alors ça, c'est un des ingrédients hein, qui reflète bien votre travail, la poésie. Je trouve qu'elle est très présente parmi les textes que vous proposez. Également, pas mal de sensualité. Ouais, voilà, les deux. Et qu'on peut retrouver aussi, puisque l'art est un tout, sur vos visuels, notamment celui du dernier EP, Palma Pop. Et ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... Alors, cette photo, j'ai su ensuite que c'en était une. Moi, j'avais l'impression que c'était un tableau. Ouais, ouais. Et en fait, non, c'est une photo. Qu'est-ce et donc, que... alors, en fait, oui. Donc, en fait, quand on a fini les chansons, au moment de faire la pochette, on a contacté... On voulait avoir une photo, travailler avec un photographe. Et donc on a contacté le photographe qu'on préférait, avec qui on rêvait de pouvoir le faire, quelqu'un qui s'appelle Paul Rousteau. Et en fait, Paul Rousteau, il fait des photos comme ça, avec des filtres, des photos très impressionnistes. J'invite tout le monde à aller regarder son travail sur Internet, c'est assez fascinant ce qu'il fait. Et par chance, il a bien aimé ce qu'on faisait, et donc il nous a dit « voilà, je vais faire la photo ». Et c'est lui qui nous a dit « ouais, par contre, moi ce que je vois, c'est une paire de fesses, comme ça, plein champ ». Et nous, sur le coup, bon, on ne savait pas trop, on lui a dit, bon, bah voilà, on te fait confiance et tout ça, et puis on a été ravis, quoi. On trouve que ça représente bien la musique, et c'est vrai qu'il y a un truc assez fascinant de se dire que, parce que c'est vraiment une photo qui est même très pour travailler, hein, c'est nous qui avons peint le fameux modèle, et il a mis des draps autour comme ça, un bleu, un doré, et le résultat est assez... assez cool, en tout cas nous, il nous plaît beaucoup. Allez sur Internet voir le travail de ce photographe Paul Rousteau, et puis bien sûr de ce duo qui s'intitule Duel, D-U-E-L, et de ce dernier EP Palma Pop, et vous verrez sa pochette, n'est-ce pas Lou? Ouais. N'est-ce pas, mais je peux quand même la décrire aux auditeurs pour ceux qui se posent quand même un petit peu la question, mais comme tu l'as déjà dit Brieux, vous voyez de près, même si bon moi sur le coup j'avais pas trop compris, mais en effet c'est des fesses à l'horizontale, avec il y a un fond bleu, il y a une bande rose dessus, une bande bleue, et puis en dessous c'est comme si c'était sur du sable, enfin voilà, enfin dans ouais. Des couleurs sable genre Sahara, et de l'autre côté c'est un dégradé qui va de la couleur pêche à la couleur vieux rose, avec tous les descriptifs nécessaires pour les différents noms des titres, et puis le travail qui a été fait derrière. Oh, Brieux et Loup, là vous me l'apprenez, hein, que ce sont des fesses, moi j'ai cru que c'était des collines. Ah mais en plus, c'est, moi, si vous avez tous les deux pas vu que c'était des fesses ? Parce que moi je trouve que c'est ce que j'espérais au début, si, en fait. Si. Ah ouais. Si, en fait, je souris là-dessus parce que il y a ce mélange, comme on disait tout à l'heure, photo-peinture, qui fait que, bien évidemment, bon, on voit quand même que c'est une paire de fesses, mais en même temps, on peut s'imaginer ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce côté pastel et colline, et là aussi très ouais. Poétique. Ouais, voilà. Oui, ouais, en effet. Justement. Ce côté oui poétique et onirique qui se retrace, qui se ressent à travers l'EP et puis les autres travaux que vous avez fait, Jean et toi. Oui, on a parlé du style, du visuel, on a parlé de pas mal de choses, mais avant qu'on aborde d'autres sujets, j'aimerais qu'on parle d'une chanson qu'on va passer tout à l'heure. Vous avez sorti sur votre chaîne YouTube un clip, le clip « À la vie, à la mort ». Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière la création de cette chanson ? Alors, la chanson, c'est une chanson sur un peu sur le paradis perdu, sur le souvenir, l'enfance. Et donc, à la base, moi, j'avais cette phrase sur l'enfance, l'adolescence, qui était « L'ennui monstre, l'amour baboule ». Et je trouvais que ça résumait bien, en tout cas, moi, mon adolescence. Et donc, j'étais vraiment parti sur ces mots-là. Et ensuite, il y avait, c'est vrai, sur cette chanson, l'idée d'avoir une grande chanson, une chanson très simple, très pop, Et parce que c'est vrai que nous, on fait de la pop, mais on est quand même aussi, comme tu disais tout à l'heure, très influencé par la chanson. Donc on a parfois des tempos plus lents et tout ça. Et là, je voulais vraiment une chanson très, très efficace, entre guillemets, même si c'est un peu moche comme terme, mais je voulais vraiment un truc comme ça, avec un refrain un peu saisissant sur le souvenir, mais qui soit pas trop que ce soit pas trop triste, trop terne, qu'il y ait quelque chose de lumineux. Et voilà, c'était un peu tous les ingrédients à la base de l'écriture de cette chanson. Et ensuite, elle a évolué avec le temps, et c'est devenu ça, avec cette dernière partie où on a Ségolène Mariotte, une amie qui avait déjà fait des chœurs en concert avec nous ou sur d'autres de nos enregistrements, qui vient réciter ce texte à la fin de la chanson, et ça nous a beaucoup plu, donc on l'a gardé. Texte qu'on écoutera dans quelques instants, mais j'ai envie avant qu'on décortique rapidement, vu qu'après tout vous avez fait un clip, c'est pas pour rien. Pour À la vie, à la mort, déjà pourquoi avoir choisi de mettre ce morceau-là en clip et pas les autres? C'est notre premier single radio, en fait. Donc ça s'est un peu imposé. Et d'ailleurs, en fait, on a fait deux clips qu'on a tourné en même temps. Et l'autre aurait très bien pu sortir avant, c'est sur la chanson Mantra. Oui. Et finalement, on va sortir le clip en début d'année prochaine. Mais ça aurait pu, voilà. C'était nos deux singles. Et là, on aurait pu sortir avant ou après l'autre. On ne savait pas, en les tournant, lequel sortirait avant. Et c'est vrai qu'on a eu des retours radio pour À la vie, à la mort. Et donc, ça tombe un peu sous le sens de sortir le clip en premier. Ce clip-là, d'ailleurs, on voit plutôt le lien entre une femme et un homme. D'ailleurs, je ne sais pas, tiens, lequel des deux. Tu saurais me dire. On est tous les deux. Ah, vous êtes tous les deux proches d'elle. Ouais. Et en fait, vous êtes à la fois proche physiquement, à d'autres moments plus éloignés. Et surtout, ce qui commence à sauter aux yeux, c'est qu'elle finit par vous maltraiter d'une certaine manière, elle vous traîne derrière une voiture, elle finit même par vous enterrer. C'est quand même assez cocasse. Donc, est-ce que c'est une nostalgie, le fait d'enterrer ses souvenirs pour de bon? En fait, c'est le clip. Alors, évidemment, on y a participé, mais disons qu'on a eu plusieurs propositions de réalisateurs. Et celle-là, elle nous a beaucoup plu parce qu'on trouvait que c'était très énigmatique. Et en fait, nous, dans notre écriture, on est très influencé par la poésie surréaliste. Et on aime bien quand il peut y avoir différentes lectures d'une chanson. C'est-à-dire que chacun puisse se faire sa propre lecture. Donc, on trouvait que dans cette proposition de clip, il y avait quelque chose d'un peu flou, dans lequel chacun pourrait trouver un petit peu ce qu'il a envie de trouver. Là, ce que tu viens de dire, c'est une lecture que je rejoins aussi un peu, mais je pense qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres, et c'est ça qu'on trouvait très intéressant, qui représentait un peu notre musique également, et bon, de pouvoir avoir via les images quelque chose de cohérent avec notre musique, c'est assez dur, en fait, finalement, et là, ça nous a parlé. Et à ce propos, on va aussi on va laisser les auditeurs se faire leur propre lecture avec l'écoute du morceau et pas le radio edit. Non, à Radio Gémozo, on fait pas comme tout le monde, on va mettre le morceau intégral, parce qu'après tout, c'est bien de montrer une œuvre dans son intégralité, surtout là, je vois l'heure, on a largement le temps. Alors c'est À la vie, à la mort de l'EP Palma Pop de Duel, et on se retrouve juste après. Ah! ces nuits de vice aux habits s'épuisent. Je te demande pardon à l'ombre des condors. Redis-moi à la vie, à la mort, comme quand on brûlait encore. Aventure, mon âme. Tu me faisais sursauter en débarquant par derrière quand on sortait du métro. Et à chaque fois, moi, je te disais que t'étais qu'un sale crétin, qu'avec toi, que ça faisait rire. Mais aujourd'hui, quand je repense à cette époque, bah, le premier truc dont je me souviens, c'est ça. Et ça me fait même presque rire maintenant. Ça fait longtemps, on a grandi et on a disparu. C'est comme ça, quand on grandit, tout le monde disparaît. Loin, longtemps, et y'a jamais personne qui revient. Mais alors on y repense à ce matin sur la station métro. C'est vous qui fait sursauter quand ils surgissent comme ça par surprise dans le dos. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous pouvez toujours papoter avec nous via notre page Facebook. Vous avez écouté à l'instant À la vie, à la mort, la version complète issue de l'EP Palma Pop du duo Duel. D'ailleurs, il y a Brieux qui est toujours avec nous à l'antenne. Et si vous voulez même voir comment le duo a illustré le morceau, il y a le clip qui est disponible sur leur chaîne YouTube Duel. Vous pouvez vous abonner, il y a encore de la place. D'ailleurs, moi, j'ai profité de la pause musicale pour m'abonner. Comme ça, t'es au courant, Brieux. Cool. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je l'ai regardé. J'ai trouvé très sympa. J'ai beaucoup aimé l'univers. Enfin, voilà. Et après, c'est le genre d'univers ce qui me concerne, qui me plaît bien. Je sais pas si Mika, mais c'est... Ah bah, depuis que je l'ai vu, Brieux, moi, j'ai fait des cauchemars. Donc, je sais pas si je dois vous remercier. Ah ouais. Non, ça va. Non mais en plus j'ai l'impression qu'elle est nouvelle votre chaîne YouTube. Avant c'était vos clips, alors il y a toujours eu beaucoup de clips, on les voyait sur votre la chaîne YouTube de votre label Roy Music. Ouais, voilà, je sais que le label nous a dit là qu'ils avaient créé une nouvelle chaîne. Je sais pas, j'ai pas vu, c'est une chaîne différente là, c'est ça? Oui, il y a juste une seule vidéo, À la vie, à la mort, dessus, justement. C'est pour ça que j'étais un petit peu surprise. Ah oui, ouais, c'est parce que les autres, c'était via notre label. Mais bon, les autres, elles sont toutes là, encore. Hein, sur le nom Duel, il y a encore tous nos anciens clips. Hein. Dans ce cas, la chaîne YouTube de Roy Music sera aussi indiquée avec le podcast de l'émission comme votre chaîne YouTube à vous deux. Ça, j'expliquerai en fin d'émission comment ça se passe. Mais comme je le disais, hein, votre univers, il est pour moi très unirique, très onirique, très coloré, très empreint de nostalgie. Moi, ça m'a beaucoup fait penser... Alors, je ne sais pas si tu connais Brieux, mais Mika, toi, tu sais très bien. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'univers de Danny Terreur. Ouais. Et ouais. Tu le connais aussi, Danny Terreur, hein? Ouais, pas très bien par contre, mais je me pencherai dessus. Ah bah si jamais, en tout cas moi je fais des petites passerelles, des petites choses comme ça, parce que c'est toujours quand ça te rentre dans ces univers oniriques, enfin ouais, voilà, il y a Lou qui est là, et voilà, ces univers aussi, oui, oniriques comme je le disais, et je me demandais, Dans quelles conditions, Julien et toi, vous créez ? Est-ce qu'il y a un certain, comment dire, un rituel, comme certains écrivains ? Est-ce que ça part d'un thème, de trois notes au piano, comme, je ne sais pas, c'était quoi ? C'était Bohemian Rhapsody, en tout cas dans le film que j'ai vu récemment, avec Mika. Enfin voilà, comment ça se passe, Julien et toi, pour la création ? Bah, nous, on a toujours un peu fonctionné de la même façon, c'est-à-dire qu'on écrit, on compose, tout le temps, chacun de notre côté. Et ensuite, quand on estime chacun que... On se montre nos chansons l'un et l'autre. Et quand on se rend compte que des chansons passent l'épreuve du temps, on les garde. Et en fait, c'est assez simple, il y a des chansons... Quand on joue tous les jours, il y a des chansons qu'on joue quand on a une nouvelle chanson. Parfois, on peut la jouer 2-3 jours et puis après, sans s'en rendre compte, on la joue plus. Mais les chansons qui nous marquent, on a envie de les jouer, quoi. On a envie de les jouer tous les jours, donc elle nous colle à la peau. Et souvent, quand l'un de nous deux a une chanson qu'il adore, quand il la montre à l'autre, on est pratiquement tout le temps du même avis. Donc après, quand on a gardé les chansons, on peaufine l'écriture à deux. Mais c'est vraiment de l'ordre du détail, hein, parce que quand je montre une chanson à Julien, quand lui il m'en montre une, j'ai déjà bien avancé dans le texte et tout ça. Bon, je suis assez sûr de moi, assez sûr de la chanson que j'ai. Donc après, quand on peaufine, c'est parfois sur un mot, une phrase ou une structure de chanson. Et après, il y a l'étape de l'enregistrement où là les arrangements, où on fait tout à deux. Et où là c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que la structure de la chanson est terminée et pour l'arranger on peut l'arranger de dix façons différentes pendant un mois avant de trouver la bonne formule magique, ou bien parfois ça marche tout de suite. Ça dépend vraiment des chansons. Ouais. Vous êtes bien trouvé, Julien et toi, c'est chouette comment vos univers s'entremêlent. Là tu viens de nous expliquer pour la création des chansons, c'est le cas aussi pour vos voix. Ouais, voilà. Ça se croit. Ouais, bah les voix, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on chante, voilà, une chanson sur deux, la moitié chacun, quoi, sur les EP ou albums, et on chante souvent les refrains d'eux, quand on essaie d'utiliser la voix de l'autre, puisque quand on fait des harmonies, ça marche assez bien. Et vous verrez, hein, vous qui écoutez, comment ça fonctionne de cette façon entre Julien et Brieux, le duo duel, D-U-E-L, si vous voulez aller voir sur Internet. Et c'est vrai que, tu le disais tout à l'heure, hein, je reviens à ça par rapport au nom, ça ne vous a pas posé de soucis le fait que finalement c'est un mot, entre guillemets, courant, et il peut peut-être y avoir difficulté à vous trouver sur la toile ? Ouais, mais... Nous, ce qu'on se dit, c'est que, de toute façon, c'est assez compliqué, hein, de trouver un nom comme ça qui soit qui nous, on a été tellement séduits par ce mot que c'était plus fort, quoi. C'était comme ça nous représenter. On s'est pas posé trop de questions. On s'est dit que, voilà, si quelqu'un qui veut nous trouver, il nous trouve. Mais c'est ça. On rajoute musique, par exemple. Après duel, voilà. Si vous voulez être sûr, vous rajoutez musique, ouais. Et puis vous tombez tout de suite dessus. D'ailleurs, j'avais remarqué que dans un premier temps, ça s'écrivait en majuscule avec entre chaque lettre un point. Et là, pour le P qui est sorti vendredi, qui s'appelle Palma Pop, on le répète, là, c'était écrit en minuscule. Et d'ailleurs, c'est écrit avec la même police que le nom, Palma Pop, le nom de l'EP. Et du coup, on ne sait plus très bien qui est quoi, je veux dire qui, quel est le nom du groupe, ouais. Quel est le nom de l'EP. Ouais, oui, c'est des choix, tout ça. Ouais, en fait, on avait une police pour sur lancer l'album. Et là, quand on a eu Paul Rousteau, le photographe, qui a accepté de faire notre pochette, on n'avait pas envie de... Ouais, on avait pas envie de la salir, on va dire, sa photo. Donc l'ancienne police prenait beaucoup de place. Donc là, on a préféré avoir un truc le plus discret possible pour que, voilà, il y ait quand même le nom de l'EP, le nom du groupe. Et ça, c'est Nico, un graphiste de notre label qui nous a trouvé cette bonne police. On a mis longtemps, en fait, avant de la trouver parce qu'on trouvait que tout ce qu'on avait, ça prenait beaucoup de place et ça gâchait un peu la photo et l'œuvre du photographe. Et comme ça, voilà, c'est simple, je pense que ça se voit, et enfin, on peut bien, on voit le nom du groupe et ça nous suffit. Ouais. Et pourquoi dans un premier temps, pour le premier album, Gun Express, vous aviez mis des points entre chaque lettre? Est-ce que c'est abandonné maintenant? Non, je sais pas. On avait mis des points parce que notre graphiste qui nous avait proposé ça, on trouvait que ça marchait. Et là, c'est juste pour la pochette qu'on trouvait que ça marchait pas pour cette pochette-là, mais pourquoi pas l'utiliser sur d'autres visuels un jour? On n'est vraiment pas du tout arrêté sur ça. On aime bien changer, évoluer, et si on peut réutiliser cette police, pourquoi pas, mais on n'est vraiment pas bloqué là-dessus. D'ailleurs, on a parlé de la police et du titre ou du nom du groupe Duel, mais on n'a pas trop parlé du nom de l'album, enfin de l'album, non, pas l'album, l'EP, vu qu'il y a 6-7 morceaux. Pourquoi Palma Pop? Non, parce qu'on adorait le mot Palma, et il y a un groupe, un groupe anglais qui s'appelle Palma Violette, qu'on adore. Et on a toujours été un peu jaloux de leur nom de groupe. La première fois qu'on a entendu ça, on s'est dit, putain, mais c'est vraiment pas fou. On trouvait ça magnifique comme nom de groupe, Palma Violette. Et donc on avait ce mot-là qui traînait un peu, qu'on aurait bien aimé utiliser pour une chanson ou dans un texte. C'est jamais arrivé. Et là, quand il s'agit de trouver un nom pour l'EP, on trouvait que le mot Palma fonctionnait vraiment bien avec les couleurs de la pochette, et surtout de ce côté un peu éclairé, solaire de qu'ont certaines chansons et arrangements de l'album. Et voilà, on a gardé ce mot, et avec le pop, avec les deux P, on trouvait que ça fonctionnait bien, et après c'est devenu une sorte d'évidence. On a gardé ce titre là Un titre de EP que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur internet, qu'on va continuer à écouter, à moins que j'hésite un petit peu parce que j'ai sorti 2-3 petits trucs. Alors on a parlé que vous avez déjà fait un album avant, on a aussi parlé de vos inspirations, il s'agit surtout de Bob Dylan. Alors dis-moi, cette fois je vais te laisser le choix, est-ce qu'on passe un morceau de Palma Pop, un morceau qui s'intitule Amsterdam, donc tu vois duquel je parle, ou sinon d'un morceau de Bob Dylan? Ah, c'est comme vous voulez. Pour une fois que je laisse le choix à l'artiste. Passons à un morceau de Bob Dylan alors. Allez, super, j'ai choisi Like a Rolling Stone, qui m'avait l'air sympa. Alors on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. Vous avez à l'instant écouté le morceau Rolling Stone de Bob Dylan, qui fait partie des influences du duel pour l'EP Palma Pop, mais ils ont sorti beaucoup d'autres, toujours à l'antenne avec Brieux et Mika. Et si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gamozo. L'onglet est ouvert. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai beaucoup d'onglets d'ouvert pour mettre beaucoup de liens dans le podcast. Alors pour les auditeurs, vous aurez matière si vous voulez aller regarder par la suite. Oui, on a écouté, comme je le disais, du Bob Dylan, parce que ça fait partie des influences. C'était à parler d'harmonica, en effet, j'ai entendu, parce que j'ai très peu écouté Bob Dylan, mais là aussi, ça fait partie de ce qu'on a entendu. C'est aussi un instrument que vous utilisez pendant les concerts, entre autres. Ouais, voilà, pendant les concerts. C'est vrai que sur l'album, là, il n'y a pas d'harmonica, mais en concert, on en joue encore. Ouais. D'ailleurs, en parlant concert, il y a une question que j'aime bien poser régulièrement, c'est: quel est ton plus beau souvenir de concert? Mon plus beau souvenir de concert, je crois que j'en ai deux. Bah, la première fois qu'on a joué, parce que c'était à New York, et que je trouve que c'était assez fou de faire son premier concert à New York. Et donc, voilà, c'était assez marrant. Et ensuite, quand on est rentré en France, à l'époque, on écoutait beaucoup les Libertines, le groupe de Pete Doherty. On avait bien Pete Doherty aussi. Et le premier concert qu'on a fait à Paris, on a joué dans un bar qui s'appelle le Truskel. Et à la fin de notre concert, on nous a dit que Pete Doherty allait venir jouer dans le bar. Donc il est venu jouer juste après nous. Donc on a fait sa première partie sans faire exprès. Et pour notre premier concert en France. Donc c'est vrai que c'était un peu fou. Alors justement, Brieux, tu nous parlais de New York. Il y a eu également, j'allais dire l'Europe entière, j'exagère, mais Bruxelles, Amsterdam, Londres, vous avez joué dans ces villes, même avant la sortie de votre premier album, il me semble. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Et oui, comment en êtes-vous arrivé à, alors que vous n'aviez même pas d'album de sortie, à jouer dans ces grandes villes? Bah, en fait, il y a deux possibilités. En fait, il y a soit, par exemple, on a joué une fois à Lausanne en Suisse. C'est parce qu'on avait rencontré un groupe à Bourges qui nous avait dit ah, nous, on organise un festival en Suisse, on va vous inviter. Donc, c'est en faisant des rencontres comme ça, des gens nous proposaient de faire des concerts. Des groupes étrangers qu'on rencontrait sur la route nous proposaient de faire des concerts dans leur pays. Et après, par exemple, quand on avait une date à Amsterdam et on a cherché, nous, une date sur la route à Bruxelles. On a envoyé nos maquettes à des lieux à Bruxelles. Donc voilà, il y a soit des endroits où on nous proposait de jouer, et puis après, quand il y avait des trucs, et quand c'était loin, sur la route, on essayait de trouver des dates entre deux, qu'on trouvait nous-mêmes. Et puis même si on n'avait pas sorti d'album, en fait, c'était vraiment... on avait nos chansons sur Internet, hein, donc il n'y avait pas d'album officiel qui était sorti, mais on pouvait vraiment nous écouter sur Internet, et donc on pouvait envoyer notre musique dans les salles pour qu'ils puissent écouter. Et souvent, c'est assez... c'est pas très compliqué, hein, de trouver quand on... si on fait sérieusement, les gens écoutent la musique, comme vous, la passent s'ils l'aiment, et nous demandent de jouer si ça les intéresse. Et ce n'est pas étranger à votre premier album, cette expérience à l'international, hein, puisque tu le disais tout à l'heure, hein, Gun Express, paru en 2015, est un long voyage en train, et j'imagine que ça a nourri tout ce que tu viens de dire, cet album. Ouais, bien sûr, hein. Ouais, carrément. Hein. Ouais. Par rapport à l'anecdote que tu nous as citée tout à l'heure concernant Pete Doherty, d'ailleurs, vous vivez à Paris, hein, Julien maintenant, et toi, ouais. C'était le cas de Pete Doherty, je ne sais pas si c'est encore le cas, et c'est vrai que c'était plutôt sympa quand il venait de temps en temps dans un bar comme ça faire des concerts qui n'étaient pas prévus, donc tu nous le disais, vous, ça a été cool parce que vous vous êtes retrouvés en première partie, et vous avez fait, vous Duel, des premières parties où partager la scène d'autres artistes prestigieux. Je crois, tout à l'heure tu parlais des Paradis Perdus, ça m'a fait sourire parce que c'est le nom d'un album de Christophe et d'une chanson aussi. Et vous avez aussi partagé la scène avec lui? Ouais, c'était à la Flèche d'Or à Paris, qui était une salle géniale, qui a fermé. Alors là, en le disant, je ne sais plus s'il l'aurait ouvert ou non, mais. Et on avait joué le même soir que Christophe, mais c'était génial. C'est un personnage assez fascinant. Est-ce que avec lui ou avec d'autres, hein, je vais citer Talisco, Camélia Jordana, un autre groupe que moi j'adore en ce moment, j'en suis fou, et tout comme vous, ils mêlent beaucoup de poésie à leur musique très diversifiée, il s'agit de Feu Chatterton. Est-ce que tous ces artistes avec qui vous avez partagé la scène à un moment donné, est-ce que vous avez eu des échanges avec eux? Est-ce qu'ils vous ont donné, je ne sais pas, des conseils ou autre chose? Par exemple, Feu Chatterton, nous on avait joué avec eux... dans un bar qui s'appelle l'International, enfin c'est une petite salle de concert à Paris, donc avant qu'ils sortent leur album, avant qu'on sorte le nôtre, donc c'était il n'y avait pas forcément de conseils, mais on était un peu à la même étape de notre parcours, mais on s'était croisés un soir, mais par exemple Talisco, c'est un artiste de signé sur le même label que nous. Donc effectivement, on se connaît un petit peu plus, quoi. Il y a des échanges avec tous ces groupes, je veux dire, des collaborations prévues, etc. Non. Après, il y a des échanges, hein, mais en termes de collaboration, c'est vrai que nous, déjà, on est deux. Donc on doit déjà s'occuper un peu l'un et l'autre de s'accommoder d'être deux pour que ça marche, Et donc, avec nos deux voix, avec nos deux styles d'écriture, la façon dont ça évolue, donc c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, même si là, sur la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, La vie à la mort, on a un featuring avec une amie, mais on cherche pas, en fait, si ça se fait naturellement avec une rencontre, on est ouvert à tout, mais en tout cas, il n'y a rien de prévu pour l'instant, quoi, de ce côté-là. On a parlé de vos concerts à l'étranger, notamment à Amsterdam. Vous en, Lou l'évoquait tout à l'heure, vous en avez fait une chanson. Je crois qu'on va l'écouter et il y aura quelque chose à dire là-dessus. Ah ah. Donc on s'écoute Amsterdam et on se retrouve juste après. Heures de la nuit, à bout de souffle, elle échappe aux sirènes de police. Au travers des ruelles de velours, travestie, elle danse, elle déambule, jusqu'au fond de longs et crasseux couloirs. Et un genou à terre, elle se cogne le reflet aux vitrines. Le sourire aux lèvres, elle clappe des mains à la gloire perdue de ses gamines. Versée des fluves tropicales, et le ciel se dégage, et les vents les emportent. Une lumière se penche sur Amsterdam. Oh, le ciel se dégage, les amours se flinguent, le soleil en plein visage. Amsterdam. Belles heures de la nuit, à bout de souffle, elle échappe aux rumeurs des dortoirs. Elle balaye d'une main les allumeuses, elle se cogne le reflet aux vitrines. Elle crie l'espoir de Dickinson près de toi, je me suis endormi. Versée des fluves de jasmin, et le ciel se dégage, et les vents les emportent. Une lumière se flingue, le soleil en plein visage. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Récolte ce qu'ils ont semé. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo sur cette FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous pouvez comme d'habitude, discuter avec nous via Facebook, via notre page Radio Gamozo. Et pour les quelques minutes qui nous restent, malheureusement, on va devoir s'arrêter à 19h vu qu'on a Antoine juste après, mais ça j'en parlerai dans la programmation. Toujours avec Mika et Brieux du duel pour l'EP Palma Pop, enfin Mika de la radio et Brieux du duel Palma Pop avec Julien pour votre EP sorti le 7 décembre. On n'a pas trop parlé de la réception du public, mais en fait, s'il y a autre chose qui est un bon indicateur pour la réception, c'est la tournée promotionnelle. Est-ce qu'il y en a une de prévue ? Ah là, non. Nous, là, on est en train de monter le live et on va tourner des qu'on peut, mais en fait, le B, on l'avait enregistré nous-mêmes. En autoproduction, ouais. et on a trouvé notre le label avec qui on sortir et faire les clips. Et c'est vrai qu'on fait un peu chaque chose en son temps, donc on veut monter un nouveau live pour ça, et on va avoir une date à Paris en début d'année, fin janvier, normalement le 30 janvier, c'est pas encore officiel, ouais. Mais de grosses tournées prévues, on l'a pas encore. Mais on espère, on prévoit de tourner partout et le plus possible, mais chaque chose en son temps. Quoi. On sort l'EP, on va voir un peu comment il est reçu, et de là, ce sera organisé la tournée. Quoi. Brieux, j'aimerais qu'on en revienne à l'extrait de votre premier album, hein, paru en 2015, qui s'appelle Gun Express. Vous l'avez entendu juste avant, ça s'appelle Amsterdam, la chanson. Et qu'est-ce que ça fait de voir un de ces titres repris pour une publicité par une grande marque, comme c'est le cas sur ce morceau que vous venez d'entendre ? Ça met du beurre dans les épinards. Ouais. Voilà. Et ça tombe bien quand on connaît la marque. Je vais pas la citer. Vous irez voir sur la page Facebook du duo Duel, mais c'est marrant. Ouais, voilà. Et comment alors on vous a contacté cette marque vous a contacté ou enfin c'est notre éditeur. Notre éditeur. On a un éditeur et ils ont dit ça ensemble et. Voilà, nous on n'a pas du tout participé à ça, mais bon, on était contents pour le beurre dans les épinards. En effet, et comme Mika le disait, on peut voir ça sur votre page Facebook, donc ça va déjà être le moment de donner les différents sites où on peut vous trouver, sur Facebook, YouTube, sur Beaucoup Musique aussi, je vous ai trouvé sur beaucoupmusique.com, ce sera indiqué dans le podcast de l'émission, et si je parle du podcast, c'est que ça va déjà, malheureusement, être le moment de se dire au revoir, il me reste moins de 30 secondes, ça va être chaud, je parie que j'y arriverai pas. Mais dans tous les cas, programmation de la soirée, on retrouvera dans quelques instants Antoine pour son émission Ce qu'il faut savoir. On va parler de vrai complot, donc restez à l'antenne et j'espère que je vais négocier pour passer des morceaux du duel, comme ça pourrait être sympa. Puis juste après à 20h Nothing But The Blues, donc ça va charbonner ce soir dans les studios, puis rediffusion demain matin de 7h à 8h de l'émission que vous avez écouté à l'instant. Pour ceux qui ne veulent pas attendre demain matin, elle sera disponible sur internet radiogamozo.eu rubrique émission et rediffusion puis l'heure des loups. Ou sinon sur notre page Facebook Radio Gamozo, j'ai perdu mon pari, il est 19h. Aisément écoutable, aisément téléchargeable, on la trouve sans aucun problème. Et comme je le disais, tant sur Facebook que sur notre site internet, tout ce qui peut être identifié, tagué, donné en lien pour les auditeurs pour pouvoir retrouver, ce sera présent. Puis demain matin, ce sera jeudi, on retrouvera Michel pour sa chronique, suivie de la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h, 19h. Non, je ne serai pas en direct, mais on se retrouvera quand même à cette heure-là. On va parler d'un artiste qui est déjà passé chez toi, Mika, Shelia, etc. Il s'agit de Toff Blanc, qui a une exposition en ce moment, jusqu'à je ne sais plus quand. Vous retrouverez l'émission demain, dans tous les cas. Dans ce cas, on se dit rendez-vous demain soir, mais dans tous les cas, Mika, merci pour ta présence. Brieux aussi, merci beaucoup pour merci Palma Pop. Ouais, c'était très sympa. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Et je souhaite, dans ce cas, aux auditeurs une très très belle soirée. On se donne rendez-vous demain, même heure, sur le 107. Ciao, ciao.